chat, même si on sait que pas dire wesh wesh wesh. Ton flow est factice, on baisse comme une actrice X, ça suce pour la vie d'artiste. Et si je suis vulgaire, c'est pour me faire comprendre. Les fils de pute savent qu'on viendra pour te prendre. On a la bonne cote, normal qu'on veut le boycott, vu qu'on les baisse tous comme les putes de Bangkok. Allumeur de mèche normal, ici la E t'allume. T'es pas ta MC normal, la rue m'a eu. La rue m'a dit qu'on récolte que ce que l'on sème. C'est vrai j'ai le seum, mais dans le fond